L'IMC, la meute, ouais, ici ça rappe technique. J'rappe ma vie sur 16 mesures parce que j'ai que ça à faire. J'fais pas de business, j'veux pas tomber pour une sale affaire. On me dit la ferme, c'est pas de ma faute, il m'a plus mal à forme. Les MC dorment, j'suis éveillé alors j'te donne sa force, j'suis terrifié. Lorsqu'on vient me dire comme Aurélard, la meute, l'IMC, parce que les vrais talents se font dorer rare. Moi j'en ai marre d'attendre mon heure avec impatience, j'suis trop vénère. Donc j'rentre dans l'art parce que j'perds patience. Toujours les mêmes qui sous le crâne sur la bande FM. J'voudrais les ken, brouiller l'antenne de la tour Eiffel. Je trouve ça fun d'être dans la jet et de tout brasser. Ma bouche c'est un pétard, écartez-vous, je m'apprête à tout casser. Je viens déclasser toutes ces grosses merdes qui m'ont trop lassé. Entre nous c'est la course au disque, alors faut se tasser. J'ai un temps d'avance, j'écris depuis tout gosse. Dans le rap, l'IMC, éjaculateur de rimes précoces. La meute, une équipe de chaque. La technique, rime en or fantastique. Rime en or fantastique. L-I-M. La meute, une équipe de chaque. La technique, rime en or fantastique. Hip hop fanatique, faut des coups pour des smaclics. Les yeux cernés, le regard froid, les sourcils circonflexes, je suis circoncis. Aucun souci, car je suis sans complexe. Ici on stresse, alors ça nous défoule de dire ce qu'on pense. On crise qu'on ressent, et on s'en bat les couilles des circonstances. Laisse ma voix faire, je suis sûr que ça va te plaire. Faut savoir se taire, quand je déballe mon savoir-faire. J'ai le stylo, stylo, stylo, mes rimes se dilo, pilo. Mes raps s'écoutent sans dico, et j'en dis long même en dix mots. On mélange du verlan avec de l'argot. C'est fait exprès comme ça, les flics pichent que dalle à notre jargon. On a la réplique lorsqu'il faut parler pour nos proches. Avec la technique et des textes clairs comme de l'eau de roche. La meute dans tes enceintes représente les gens simples. Suis nos empreintes. Si tu kiffes le son, tape 105. On sort les crocs et fait notre place petit à petit. Nous aussi on veut des crocs et on n'a pas un petit appétit. L-I-M. La meute, une équipe de chaque. On veut nous stopper comme des Malboro, je suis mal garé. De toute façon je m'en fous puisque c'est moi le bourreau. Voilà le taré qui dans sa vie a déjà pas mal foiré. Et qui ferait mieux de se ranger si en feria. Un flot carré qui fout le bordel dans ta feria. Qui sera paré à noyer tous ces cons Ferrari. Je suis pas ambiancé, je veux pas Beyoncé, c'est comme fiancé. Je cherche à me lancer mais faut penser à tout financer. Des faces cachées, j'en ai tellement que si je les énumère, on me prendrait pour exemple et la capitale m'aurait élumère. J'ai pas de balles, on fait juste mal avec des rimes. C'est la meute phénoménale en fit avec l'IMC. J'ai pas la gale comme la France. Et c'est déjà pas si mal car au final, à la grande halle ou à la cigale, quand je suis sur scène, je sais pas mais je kiffe, je suis sûr que c'est ma destinée. Surtout jamais me sous-estimer. L-I-M. La meute, une équipe de chaque. La technique, la technique, la technique. Rime en or fantastique. L-I-M. La meute, une équipe de chaque. La technique, rime en or fantastique. Rime en or fantastique. L-I-M. La meute, une équipe de chaque. Calvin, c'est ouais.